الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دونك نارفي أو بوان نيميرو 80. تفضل عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف والخصومة والخصومة والعجب وكيف تجترئ الرجل على المراء وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. غفر الآية الرابعة. فعليك بالتسليم والرضا بالآثر والكف والسكوت. Sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde, que ni l'hérésie, ni la mécréance kufr, ni le doute shirk, ni l'innovation bid'a, ni l'égarement dalal, et ni l'embrouillement dans la religion ad-din ne s'est produit, si ce n'est à travers la rhétorique théologique, al-kalam, et à cause des gens de rhétorique théologique, ahlul kalam, la polémique ad-jidal, l'argumentation al-mira, et la contestation. Et comment l'homme se jette dans l'argumentation, la contestation et la polémique alors qu'Allah Ta'ala dit: seuls ceux qui ont mécru discutent des versets d'Allah, et soumettez-vous à accepter en agréant les récits Atar et les gens des récits Ahl Atar, conservez-les et gardez le silence. الشرح explication donc de ces paroles de l'imam al-Barbahari rahimahullah. الشيخ فوزان حفظه الله دي هذا سبق بيانه والتحذير منه. انظر ما سبق صفحة 125 عندي. Donc il dit, on a déjà parlé de ça. L'auteur, il a déjà parlé de Zandaka, il a déjà parlé de l'bid'a, de l'dalala, de l'hayra, c'est-à-dire tout ce qui vient de traduire là, Ahl al-Kalam, Ilm al-Kalam, tout ça, il en a déjà parlé auparavant. قوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف عن والكف والسكوت. عاود الجملة هذه. فعليك. Et soumettez-vous, acceptez en agréant les récits Atar et les gens des récits Ahl al-Atar. Conservez-les et gardez le silence. Il dit, Cheikh وفقه الله, عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله. Donc il dit, il faut te soumettre aux paroles d'Allah, aux paroles du messager. والكف عن الجدل والتشكيك. الكف, ici c'est pas la paume de la main. الكف. وإنما الكف, c'est le fait de s'abstenir, de faire quelque chose. Comme dans la définition de الخلق الحسن, ils disent, أهل العلم هو بدل الندى وكف الأذى. كف الأذى, c'est-à-dire que tu causes aucun tort à qui que ce soit. الكف عن الجدل, c'est que tu t'abstiens. Donc dans le خلق, dans le comportement, c'est que tu t'abstiens de causer du tort à quelqu'un. Ici, c'est t'abstenir de discuter, de débattre à tort et à travers dans la religion. تشكيك, faire introduire des doutes. تشكيك, ça vient du mot شك. فإنك منهي عن ذلك. Il y a nombre de textes dans la sunna qui sont rapportés des prédécesseurs qui interdisent cela. بل تزيد حيرة. Au contraire, ça va te rajouter que stupéfaction sur stupéfaction. خذ بكلام الله وكلام رسوله واقنع بذلك لتهتدي. Il dit, prends les paroles d'Allah, prends les paroles du messager et suffis-toi à cela, convainc-toi à cela, لتهتدي, afin que tu prennes la voie de تهتدي, ça vient de quel mot? الهدى, pour que tu prennes la voie de la guider. وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام. تستريح, ça vient de راحة, pour que tu te reposes, tu sois déchu de وساوس, donc d'insufflation, de choukouk, de doute et de أوهام. أوهام, c'est des choses que tu t'imagines. وتصبح على بصيرة فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. Afin que tu sois sur une clairvoyance, tu sois conforme au texte, qu'il soit conforme au texte. Et Allah dit dans le Coran, وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء. أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. القرآن vient clarifier toutes choses. اقتنع. Convaincre. يعني dans le sens que tu prends les paroles d'Allah, les paroles du messager, tu te suffis à cela. Ça c'est convaincant, tu te suffis à cela. Tu ne cherches pas à rajouter d'autres ulum comme ce qu'il a cité, Zandaqa ou le Kufr, le Shukuk, le Bid'a, le Dalal, le Hayra, Ilm al-Kalam, le Jidal, le Mira, le Khusum, le Ujb. Tout ça tu le mets de côté. Non, wasl. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Il faut avoir foi au fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, châtira les créatures dans le feu, dans les chaînes, les liens et les attaches. Le feu sera en eux, au-dessus d'eux et en-dessous et en dessous d'eux. Et certes, les Jahmiya parmi eux, les Shem al-Fuwati, ont dit, certes Allah les châtira auprès du feu. Renvoyez-le sur Allah et sur son messager. Renvoyez-le sur Allah. هذا خطأ في الترجمة. ردا على الله ورسوله زي كم شيء لا ريبليكي سو الله يسون ميساجي. الشرح إكسبليكاسيون. قوله هو الإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. عاود العبارة هذه. Il faut avoir foi au fait qu'Allah تبارك وتعالى châtira les créatures dans le feu, dans les chaînes, les liens et attaches. الشيخ دي dans l'explication الشرح قوله هو الإيمان قال الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار. الله يبا يسعر. إيش معنى يسعر؟ أتيزي ألومي. ça vient pas de سعر. سعر c'est le prix, le tarif. يسعر النار ça veut dire allumer. il va allumer le feu بأجساد الكفار. avec les corps des mécréants. فهي حطب لجهنم. c'est comme un bois qui va être consumé dans l'enfer والعياذ بالله. وأولئك هم وقود النار. Allah dit dans le Coran, dans plusieurs passages, وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Donc ce sont ceux-là, le waqood, à la base, c'est le carburant. Carburant de l'enfer. Comme dans la sourate 3, verset 10. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Ils seront du combustible pour le feu. Il parle de الَّذِينَ كَفَرُوا. تَشْغِيلٌ بِهِمْ. تَشْتَعِلُ بِهِمْ plutôt. تَشْتَعِلُ بِهِمْ. L'enfer va être attisé à travers eux. Wa tattaqidu bi ajsamihim wal iyad billah. Fal ladina kafaru qutta'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Donc il dit tashta'ilu bihim wa tattaqidu bi ajsamihim, c'est le même sens comme quoi leur le combustible de l'enfer c'est à travers eux, les kuffars. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, sourate numéro 22, versets 19 et 20, le sens, à ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Et ils auront pour eux des maillets de fer. فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار. Donc Allah il a cité dans le Coran que les corps des kuffars ils vont être châtiés. وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم. Et que l'enfer il va الالتهاب, c'est-à-dire il va brûler. تلتهب بهم وتشتعل بهم. Il va s'attiser, brûler à travers eux. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ. Dans le verset, sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. وَمِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الَّتِي مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ لَا يُعَذَّبُونَ. Parmi la secte des Mu'tazila, il y en a qui disent que ils seront pas châtiés. لَا تَشْتَعِلُ النَّارُ بِأَجْسَامِهِمْ. C'est pas le feu qui va consumer leur corps. وَإِنَّمَا يُعَذَّبُونَ عِنْدَ النَّارِ فَقَطْ. Mais ils vont être châtiés devant, à proximité d'eux, à proximité de l'enfer. Ils disent leurs corps ne vont pas être attisés ou brûlés. والله جل وعلا يقول في القرآن إنهم وقود النار. Alors que Allah il a dit clairement dans le Coran qu'ils vont être le carburant, le combustible de l'enfer. Le Nabi صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه والمتصدق الذي يرائي في صدقته والمجاهد الذي يرائي بجهاده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans le hadith qui est connu, les trois premières personnes qui vont être, dont le feu va les brûler. Premier, c'est un savant qui n'appliquait pas ce qu'il connaissait. Le mutasaddiq. Le second, quelqu'un qui donnait des aumônes, mais par ostentation, pour que les gens, ils le louent, ils disent de bien de lui. Le mujahid, celui qui fait le djihad, pour que par ostentation également. الذي يرائي بجهاده. حديث أخرجه مسلم رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عند مسلم il est aussi dans جامع الإمام الترمذي رحمه الله. Les savants ils ont dit pourquoi ces trois là? Parce que ces trois actes où l'ostentation elle rentre facilement. العلم dans l'enseignant. المتصدق الصدقة quelqu'un qui donne des aumônes. Et le jihad. Ces trois actes où c'est l'ostentation elle est probable et propice. Al hadith que le Nabi sallam il a cité ces trois là. الأغلال. وتعرف أن معاوية رضي الله عنه quand il a entendu ce hadith là, il a perdu connaissance. Il a perdu connaissance et quand il s'est réveillé, il a dit صدق الله أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit le messager d'Allah a dit vrai. Ensuite, il a lu les deux versets dans sourate Hud. Il a dit ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici est un bas, sera un échec et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Le récit Hada, il a cité le Hafiz Abdurrahman ibn Rajab dans le hadith numéro 1 de son explication des 50 hadiths. Jami' al-ulum al-hikam. Al-aghlal. Ma'na an tughallu annahu tughallu yadah ila unuqihi wal-iyadu billah. Al-aghlal, comment ils l'ont traduit par chaîne? Carcan. C'est comme si ses mains, elles vont être attachées ou enchaînées avec son cou, l'unuq. Al-ankal. L'unuq, c'est le cou. Al-raqaba, c'est la gorge. Al-ankal, alatu ta'dib. Al-ankal, il dit, c'est... Qu'est-ce que tu as dit? Les liens. Les liens, alatu ta'dib, sont des outils, si tu veux, qu'on utilise pour châtier, pour torturer. Inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allah dit dans le Coran, surat l'insan, surat l'être humain, l'homme. Verset numéro 4, nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Inna ladayna ankalam wa jahima. L'autre verset, dans surat l'Muzzammil, verset numéro 12, nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer. الأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله سلاسل وأغلال وسعير. Il dit l'ankal, donc ce sont des outils qui servent à torturer ou à châtier, des chaînes, des carcans, la fournaise, etc. والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. Le feu est dans leur intérieur, dans leur corps. الأجواف, c'est le pluriel du mot جوف. فوقهم au-dessus d'eux وتحتهم en dessous de لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Également, preuve là-dessus dans le Coran, surat l'Araf, surat 7, verset 41. Ajwaf, jim'u jawf. C'est le pluriel du mot jawf. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Dans surat l'Ahzab. Allah, il n'a pas mis deux cœurs dans le corps de quelqu'un. C'est le cœur, non? Là. Jawf. Jawf, c'est l'intérieur. Dans surat l'Araf, verset 41. L'enfer leur servira de lit et comme couverture. Ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Donc, l'adab haqiqi, c'est un adab réel. Pas comme ils disent Mu'tazila, que la personne sera châtiée devant le feu, elle ne sera pas brûlée, etc. Là. Il y a même un verset dans Nisa. Kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha, liyadhuqu al-adab. Je vois rapidement si je trouve le verset. L'ankel, c'est pas défini, c'est des outils. Innal ladina kafaru bi ayatina. Voilà. 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux ont été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent le châtiment. C'est un verset qui est clair, qui vient en concordance avec ce que le Cheikh il a cité ici. Fi jahannam. Si, kain bard. Cheikh Saad Chetri, dans le khutbah qu'il a fait en Angleterre, il a dit que le hadith « Ishtakati al-naru ila rabbiha » L'enfer se plaint à son Seigneur. Faqalat akala ba'di ba'da. Une partie de moi l'a consumé l'autre. Fa'adina laha binafasain. Il lui a autorisé deux souffles. Fa'ashaddu ma tajidouna min al-zamharir. Fa'huwa min bardi jahannam. Wa'ashaddu ma tajidouna min al-harara. Fa'huwa min samoumiha. Et ce que vous trouvez de plus froid en hiver, c'est un souffle de l'enfer. le froid qu'il y a dans l'enfer. Et ce que vous trouvez de plus chaud en été, la canicule et tout ça, c'est, ça vient de la chaleur ardente de l'enfer. Allah ouais. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزال فيهن مفروض مكسور لا صلاة الفريضة كوريجي نورمالمون انكسرا سي فريضتي سي با فريضة نيغور دو فراب واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. Sache que les prières obligatoires sont au nombre de 5. Il n'y a aucun rajout en celle-ci, ni de diminution quant à les prier à leurs heures fixes. En voyage, elles sont de 2 rak'atan, à l'exception de la prière de l'Maghrib, coucher du soleil. Quiconque soutient qu'il y a plus de 5 prières a certes innové. Allah n'acceptera aucune des prières excepté à leurs heures fixes, à la dérogation d'une personne qui oublie involontairement de la faire. Elle est excusée et doit prier lorsqu'elle s'en souvient, ou le voyageur qui peut combiner les deux prières s'il le souhaite. أين؟ القمرين. أعلم أن الصلاة الفريضة. لا، قد يكون صلاة الفريضة لا يصح. لا سي سي سي سي. الشرح explication. شأن الصلوات الخمس شأن عظيم. Dit en fait la place de la prière, notamment des cinq prières quotidiennes, elle est très élevée dans l'islam. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Donc comme vous le savez tous, c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam, après les deux grands témoignages. Celui qui délaisse la prière et qui dément son caractère obligatoire, c'est-à-dire il dit moi je suis musulman, mais ça n'existe pas la prière dans l'islam, on lui fait parvenir les textes, on lui dit si, il y a des versets, il y a des hadiths, il y a kada, il y a kada. Il dit non, je rejette tout ça, il est mécréant, il n'est pas musulman, avec là-dessus unanimité, il n'y a pas de divergence. ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. Il dit, par contre, celui qui la délaisse par fainéantise ou par négligence, tout en reconnaissant que la prière est obligatoire. C'est-à-dire quand il est interrogé, il dit c'est vrai, la prière est obligatoire et moi je la délaisse pour x et y raisons. J'ai pas le temps parce que je travaille, parce que je suis fainéant, parce que. Hada, le cheikh il choisit que c'est un mécréant aussi, alors qu'il y a une divergence là-dessus. Puisqu'il dit que sur la parole la plus juste des deux paroles qui sont rapportées chez les ulama, il y en a qui déclarent mécréant, il y en a qui le déclarent tout sauf mécréant, c'est-à-dire pervers, débauché, etc. Menacé de l'enfer, mais pas mécréant, parce que le mécréant ne sortira jamais de l'enfer. Wad-dalilu, la preuve à ce sujet-là, qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, bayna al-abdi wa bayna al-kufri tarku salat rawahu muslim. Hadith Jabir radiyallahu anhu, il cite, entre eux, la personne entre la mécréance et l'islam, il y a la prière. Délaissement de la prière. Et la différence, si tu veux, c'est la prière. Wa qawluhu al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Hada hadith Burayda fi as-Sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'engagement ou la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Il dit, ça c'est clair. Il dit, il n'a pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui la délaisse et qui la dément. Ou dément son caractère obligatoire. Bel ammama sallallahu alayhi wa sallam fi adillatin kathira laysa hadha mawdi'u istiqsa'iha. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été général à propos. Il dit, il y a nombreuses preuves à ce sujet-là. ليس هذا موضع استقصائها استقصاء الشيء c'est le fait de si tu veux le suivre jusqu'à la fin. Il dit c'est pas le moment et on n'est pas dans ce livre là, on va pas s'étaler justement sur les preuves à avancer pour dire qu'il est mécréant ou pas mécréant. Il est juste ramené là. قال والصلوات استقرت ala khamsi salawatin fil yawmi wal layla. Comme c'est connu, les prières sont établies au nombre de 5 par 24 heures, une nuit et un jour. Qala alayhi salatu wa salam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman qala lahu falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illa Allah fa'in ajabuka lidhalik fa'a'limhum anna allaha iftarada alihim khamsa salawat. Donc hadith de Mu'ad, en fait huwa hadith ibn Abbas chez le Bukhari Muslim. Il dit, Abdullah ibn Abbas yahki, il raconte, il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'ad au Yémen, il lui a dit la première chose que tu dois leur enjoindre, c'est qu'ils témoignent qu'il n'a de digne d'être adoré qu'Allah. S'ils répondent à cet appel-là, ils répondent affirmativement, eh bien informe-les que Allah leur a rendu obligatoire 5 prières. Il a akhir le hadith, fa'in ajabuka lidhalik, fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim zakatan tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ila fuqarahim, etc. À la fin du hadith. Wa qad furidat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa 'ala ummatihi laylat al-mi'raj فوق السماوات مما يدل على أهميتها. La prière a été rendue obligatoire quand le prophète alayhi salat wa salam il a fait l'ascension, quand il est monté au-dessus du 7e ciel, la nuit de l'ascension, et ce qui montre donc son caractère important, parce que c'est la seule chose qu'Allah il a révélé directement au prophète, il n'est pas passé par Jibril alayhi salam. أول ما فرضت 50 في اليوم والليلة. Au début c'était 50 prières par 24 heures. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, à chaque fois, il rencontrait qui c'est qui lui ordonnait de Moussa عليه السلام. Il lui disait remonte, j'ai testé les gens avant toi, ils pourront pas faire 50 prières. Remonte et demande allègement. Donc il cessait de remonter et de redescendre حتى jusqu'à ce que Ça a été établi à 5 prières. وَهِيَ خَمْسُونَ فِي الْمِيزَانِ 5 prières dans les actes, mais 50 dans la récompense et la balance. لِيَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Car la hasana, la bonne action, elle est multipliée par 10. الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ عَنْ عَشْرِ صَلَوَاتٍ فَهِيَ بِالْمُضَاعَفَ خَمْسُونَ صَلَاتٍ. Une prière équivalente à 10, yani on dit qu'elle est multipliée par 10. Donc 5 prières égale 50. Wa amma bil amal fa hiya khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Dans les actes elles sont que de 5, dans la récompense elles sont de 50. Fa man qala inna as-salawati aktharu min khamsin fa huwa mubtadi'. Celui qui dit que les prières, yani dans le sens des prières quotidiennes obligatoires sont plus que 5, sont d'un chiffre qui est plus élevé que 5, devient innovateur. Li'annahu zada fi ad-din ma laysa min. Car il a rajouté dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. ومن قال إنها أنقص من الخمس كما تقوله طائفة من المبتدع وأهل الضلال إنها ثلاث. Donc également ceux qui disent qu'il y a moins que 5, ceux qui disent que, comme certains innovateurs, ils disent qu'il y a que il y a que trois prières. الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين خمس صلوات. Il dit des prières avec la preuve à ce sujet là dans le Coran, dans la Sunna, et l'unanimité des musulmans, elles sont de 5 prières chaque jour. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah dit dans le Coran, surat al-Isra, surat numéro 17, verset numéro 78. Le sens accomplit la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Il fait aussi la lecture de l'aube, car la lecture de l'aube a des témoins. والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله وبعمله. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a détaillé cela à travers sa parole et à travers ses actes. لها أوقات ولها أوقات. Les prières elles ont un temps bien déterminé. ولها أوقات. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Allah dit dans sourate An-Nisa, sourate 4 verset 103, la prière est pour les croyants à des moments bien prescrits, bien déterminés. موقوتا, ça vient de وقت. Ça vient de waqt. Ay mafrouza fi awqatin muhaddada. C'est-à-dire qu'elle est obligatoire, elle est prescrite dans des moments qui sont délimités. Il y a un moment d'entrée, il y a un moment de sortie de chaque prière. Bayyanaha Rasulullah alayhi salam bi qawlihi wa 'amalihi. Le messager a clarifié cela à travers sa parole, à travers son acte. La yajuzu ikhrajuha 'an mawaqitiha illa fi hal al-'udhr. il est interdit de faire sortir une prière de son temps, c'est-à-dire ni la faire avant ni la faire après, sauf en cas d'excuse valable. بأن نام أو نسي حتى خرج الوقت فإذا ذكر أو استيقظ يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت. Il dit quelqu'un مثلا qui s'est endormi, il a raté une prière, il l'a pris quand il se réveille, ou bien même si le temps il est sorti, ou bien quelqu'un qui a oublié, ça peut arriver, quelqu'un qui a oublié une salat, quand il s'en rappelle, il la rattrape. إذا ذكر, quand il s'en rappelle, ou bien on lui rappelle, أو استيقظ. Ça veut dire se réveille. Quand il se réveille, quelqu'un qui dormait, quand il se réveille, il y a du bois aller, il mubadara. Il doit s'empresser obligatoirement de prier. Bis salat. Mubadara, c'est s'empresser de. Bis salat fi ayi waqt, à n'importe quel moment. Qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith Adam, on l'a vu dans l'umda, celui qui a oublié une prière, ou bien qui s'est assoupi, s'est endormi, qu'il l'a pris dès qu'il s'en rappelle. Il n'y a pas d'autre expiation à faire que cela. Il n'y a pas d'autre expiation à faire que cela. Par contre, celui qui volontairement, il laisse la prière sortir de son temps, il dit sa prière ne sera pas valide, même s'il l'a pris. لأنه, même s'il l'a fait quand même. لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié la prière qu'Allah lui a décrété de faire. وإنما صلى صلاة على حسب هواه. Mais il a prié une prière que sa passion lui a dictée. Il voulait faire le Fajr à midi et l'Asr à 23h le soir. Il a prié comme lui, il voulait, pas comme Allah lui a prescrit. فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها. S'il fait volontairement, il laisse la prière sortir de son temps, elle ne sera pas acceptée auprès d'Allah, même s'il l'a fait. فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة. فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة. كاين ضمة sur le ta. Est-ce que c'est معطوف sur توبة؟ فعليه التوبة إلى الله. Donc la personne qui fait ça, qui laisse une prière sortir de son temps, devra se repentir à Allah et être constant et régulier dans les prières obligatoires. وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. Les nombres d'unités de prière pour chaque salat, le messager les a clarifiés. الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات. الفجر c'est 2 ركعات et le maghrib c'est 3. لأنها وتر النهار. لأنها وتر النهار. Car le maghrib c'est la prière impair de la journée. والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات. الظهر العصر العشاء elles sont de 4 ركعات. وفي السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين. En voyage, la prière de 4 ركعات se divise par 2, c'est-à-dire elle se transforme en 2 ركعات seulement. الظهر والعصر والعشاء كما جاءت بذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Comme cela est rapporté dans la sunna du messager صلى الله عليه وسلم. وجاء بها القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الله dit dans le Coran verset 101 sourate 4: Et quand vous parcourez la terre, vous êtes en voyage, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Mawdou' al-shahid, ce qui nous intéresse ici, c'est quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat. Amma al-fajr fa hiya baqiyatun ala rak'atayn. Al-fajr, il ne se transforme pas, il reste comme il est, en voyage ou en état de résidence. Wa amma al-maghrib fala tuqsaru li'annaha witrun nahar. Al-maghrib ne change pas, car il est de 3 rak'at, on ne peut pas le raccourcir. فلو قصرت صارت شفعا. C'est la prière impaire de la journée. Donc si jamais tu l'as raccourci à 2, elle va devenir paire. هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو إخراج عن وقتها. Donc il dit voilà comment les prières ont été déterminées dans la législation. Personne ne peut s'adonner à un quelconque ajout ou un quelconque amoindrissement, ou bien au fait de pouvoir ou laisser le temps sortir sans excuse valable. Je crois qu'ils ont une relation avec Rafida. Il y a quelqu'un déjà qui a été avec moi une fois, il m'a dit qu'il y a trois salawat. Il m'a dit qu'on a trois prières. Wahda fi sabah, wahda midi, wahda fi li. قال المؤلف رحمه الله والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. La zakat doit être donnée sur l'or, l'argent, les dattes, les grains et le bétail. Comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit, on peut la distribuer pour donner au souverain, imam, cela est permis. قال explication الشرح الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة troisième pilier la زكاة وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية et la زكاة elle est rattachée à la صلاة dans beaucoup de versets du Coran والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء الزكاة donc c'est un droit qui est معلوم qui est connu qui est déterminé dans les biens des riches en faveur des pauvres. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع. Il y a quatre catégories de richesses sur lesquelles la zakat elle est effective. النوع الأول النقدان. Première catégorie النقدان. Si tu veux c'est voilà les deux matières الذهب والفضة. الذهب l'or والفضة l'argent. وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. Est-ce qui remplace l'or et l'argent, notamment de nos jours, qui est l'أوراق النقدية, qui est l'argent tout simplement. النوع الثاني, l'argent متداول بين الناس, que les gens utilisent quotidiennement. النوع الثاني بهيمة الأنعام. النوع الثاني بهيمة الأنعام, c'est-à-dire les bestiaux, l'ibil, والبقر والغنم, qui sont donc l'ibil, c'est tout ce qui est chameau, traduit par camélidé, camélidé. Le bakar, les bovins, et le ghanam, les ovins. Ces trois catégories-là, il y aura zakat dessus. Trois catégories dans la deuxième sorte. An-naw'u thalith, troisième catégorie, le kharij min al-ard, min al-hubub wa al-thimar. Ce qui sort de la terre, ce qui pousse de la terre. Comme, tu gagnes, les hubub, les grains. Ouais, les grains. Wa al-thimar. Thimar, les dates. Les dates. Les dates. لا هو التمر قال الشيخ الفوق تمر ثمار لا با نو يدي لي دات لي غراي لي بيتاي بين الفوق قال تمر وحبوب هنا يدي الحبوب الثمار ان فات سي لي فروي تي تو سكي بوس دو لا تير النوع الرابع كاتريام سورت عروض التجاره عروض التجاره دونك هي لا كاتيجوري لا بلو فاست وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء دونك لي مارشانديز كي سون اكسبوزي اكسبوزي ا كوا ا لا فانت اي ا لاشا. Toute marchandise qui est exposée à la vente et à l'achat, également il y aura zakat dessus. La urud, ma yu'rad, c'est ce qui s'expose. Si tu veux, tu peux traduire par marchandise. Lakin urud, pourquoi ça a été nommé urud? Yana tu'rad lil bay'. C'est exposé à la vente. Tu ba' wa tushtara. Tu vois? Hada il l'achète, il la revend, hada il l'achète, il la consomme, etc. Hadihi hiya al-amwal al-zakawiyya. Donc dans ces quatre catégories là, il y a الزكاة التي تجب فيها الزكاة وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه. Autre que ces quatre catégories là, bien sûr il y a des autres conditions, nisab et tout ça, mais il dit autre que ces quatre catégories là, si quelqu'un veut faire une aumône de son plein gré, تبرع, c'est quoi تبرع? C'est un don. تبرع تبرع الدم. Quelqu'un يتبرع بدمه. Quelqu'un donne son sang. تبرعات في المساجد. تبرعات c'est les dons. Donc il dit si quelqu'un veut faire une sadaqa et تصدق, faire un don, ou يتبرع faire un don, هذا إليه. Ça c'est, ça revient à lui, c'est lui qui décide. باب الصدقة والتبرع واسع. Le domaine de l'aumône supplémentaire autre que la zakat, يعني, et du don, elle est, ce domaine-là, il est vaste. قوله البربهاري رحمه الله il dit فَإِذَا فَإِنْ قَسَّمَهَا فَجَائِزْ وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ فَجَائِزْ. Il dit, on peut la distribuer ou la donner au souverain, imam. يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ. Ce qui est obligatoire, c'est que la personne, elle sorte la zakat. قوله تعالى وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Car Allah dit dans le Coran, dans beaucoup de versets, salat et zakat, ils sont souvent rattachés. أَقِيمُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ. Effectuez la prière et donnez la zakat. آتُ أَيْدْفَعُ. Atu, c'est un verbe à l'impératif. Fi'al amr. Idfa'uha. Ma'na idfa'uha. C'est-à-dire, donnez, acquittez-vous d'eux. Fayajibu ala sahib il mal an yadfa'aha. Sahib il mal, celui qui a ces richesses-là, ce qu'on vient de citer avant là, doit bien obligatoirement sortir pour chaque personne, yani la catégorie de zakat qu'elle doit payer. Wa huwa al-mas'oulu anha. Et il est responsable de cette chose-là. Fayida talabaha al-imam ou liyatawallaha, fayinahu yajibu daf'uha ilayh. Si l'imam, on a dit que dans ces sujets-là, quand il est cité l'imam, c'est pas l'imam qui dirige la prière qui est voulue, mais c'est le, comme ils ont dit, le souverain, le gouvernant suprême du pays. Si il détermine ou il délègue des gens pour ramasser la zakat, eh bien, il faut la donner à ces personnes-là pour qu'ils la redistribuent aux nécessiteux. فَإِنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ لِيَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَ. Car l'obéissance aux autorités, elle est obligatoire. وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الدَّافِعِ. Et la personne qui aura donné aux autorités sa zakat, il aura fait ce qui lui incombe de faire. الذِمَّةُ تَعُوْ أَلَى نَزِيهَا. C'est-à-dire qu'il ne sera pas interrogé sur quoi que ce soit. Ouais, il a fait, qu'est-ce qu'il avait à faire. لِيَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ كَانَ يُرْسِلُ الْجُبَاتِ فِي الزَّكَاتِ مِنْ أَصْحَابِهَا وَيُوَزِّعُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا. Le prophète, صلى الله عليه وسلم, il envoyait des gens qui ramassaient la zakat. Ces gens-là, là, redistribués aux al-mustahiqin, c'est-à-dire les gens qui sont quoi? Qui sont méritoires. Hein, al-mustahiq. Jubat, c'est collecteur. Jubat, voilà, c'est les collecteurs. Wa wulatul umur yaqumuna maqam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik min ba'di. Donc, les gens qui ont l'autorité, ils remplacent le messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. S'ils délèguent des gens pour aller ramasser la zakat, etc., chez les gens qui doivent sortir la zakat, eh bien, il faut leur délivrer. Amma idha lam yatlubha falmas'ul 'anha sahibul mal. Si le gouvernant il demande pas la zakat, chaque personne elle est responsable de lui-même. Il dit pas le gouvernant il a pas demandé la zakat, khalas, il a pas fait son travail, moi je fais pas le mien. Toi tu fais le tien. Si les autorités elles te demandent pas la zakat. Non. Non. En trois fois. Disons, je donne une partie. Donc, une deuxième partie, je la donne la fin du mois et l'autre partie, de toute façon, l'âme d'âme. T'as une date. T'as une date. Où il y a une date. La date, Hadik, il faut que tu aies sorti toute la zakat. Cheikh Salah Fawzan, il dit, si tu attends une semaine, parce que tu attends, مثلاً, Fouqara, Jayin, il y a des gens qui vont venir, ils sont pauvres. Ou là, pour une raison valable, tu attends une semaine, quelques jours, à cas, la haraj. Amana que tu attends un mois, ou là, parce que c'est lourd de la payer en une fois, et goul là, ce que tu peux faire, c'est la sortir avant la date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé l'Abbas, son oncle, de sortir la zakat 2 ans en avance. Fait juste là, quand tu as fait la zakat, tu te rends à l'âme. Maintenant, chaque mois, tu sors une somme, ou là, quand il y a un abr sabil, tu as t'aïlo, et il y a une force, quelqu'un est malade, il a une maladie, j'ai mis la zakat. Quand tu arrives à la date de l'année, elle tourne. Il faut que tu regardes combien tu devais sortir. Il faut que tu termines la somme si t'as pas sorti la somme. Allah yhdik. Kharrouja qabli le waqt, ma'alish. Qassemha. Khususan, des fois, il y a des événements où il y a des gens qui ont besoin mal. S'ils rentrent dans la catégorie de zakat. En même temps, tu fais ado, en même temps, tu fais ton truc, en même temps, tu fais ton truc. Allah yhdik. Amin. On a fini. Oui. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال والإيمان بالشرائع كلها. Sache que la première des choses dans l'islam est l'attestation qu'il n'y a de Dieu qui mérite adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Quoi qu'Allah dise, est comme il le dit. Il n'y a rien pour contredire ce qu'il dit. Il est comme il le dit. Il faut avoir foi dans tout ce qui compose la loi islamique, la charia. قال رحمه الله تعالى وعلم أيها المسلم يا طالب العلم. Il dit donc sache, ô toi le musulman, ô toi qui étudie ta religion, أي تحقق وتبين. Sache, soit ferme, soit que cette chose-là soit claire. أن أول الإسلام, que la chose primordiale dans l'islam, شهادة أن لا إله إلا الله, témoignage qu'il n'y a de digne d'être adoré qu'Allah seul, وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, et que Muhammad est le messager d'Allah. هما الركن الأول من أركان الإسلام. Ces deux attestations-là sont le premier pilier parmi les piliers de l'islam. كما في حديث جبريل, comme dans le hadith de جبريل عليه السلام. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث جبريل. Donc quand جبريل est venu عليه السلام sous l'apparence d'un homme, interroger le prophète صلى الله عليه وسلم sur l'islam, l'iman, l'ihsan et d'autres questions. Quand il l'a interrogé sur l'islam, il lui a donné les cinq piliers de l'islam, témoigner qu'il n'a dû d'être adoré qu'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, effectuer la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le hajj pour celui qui en a les capacités. Donc ça c'est une parmi beaucoup de preuves qui montrent que فَالشَّهَادَتَانِ أَوَّلُ مَا يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسِ. Première chose à laquelle il faut appeler les gens, c'est prononcer les deux témoignages, les comprendre et les appliquer. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Il m'a été ordonné donc de combattre les gens. Hadith de Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Fa'idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi l'islam wa hisabuhum ala Allah. Quand ils prononcent cette parole là, ils ont mis à l'abri de moi aussi bien leur sang que leur richesse, sauf avec le droit de l'islam, et à Allah incombera leur jugement. Wa lamma arsala mu'adhan ila al-yaman. Donc ça c'est le hadith qu'on a cité avant, hadith d'Ibn Abbas. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a envoyé Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه au Yémen, قال له, il lui a dit, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Donc toi tu vas rencontrer des gens qui font partie des gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Tu vas rencontrer des gens du livre, gens du livre, à savoir des chrétiens ou des juifs, si je ne me trompe pas, c'est des chrétiens qui avaient au Yémen. Il leur a dit, Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Mu'ad, la première des choses que tu vas leur enjoindre, tu vas les prêcher à quoi? Qu'ils témoignent qu'il n'a de digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. فَهَذَا أَوَّلُ مَا يُدْعَى إِلَيْهِ النَّاسِ. Première chose qu'il faut faire, première étape à passer, c'est celle-là. لِيَنَّهُ هُوَ الْمَدْخَلْ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Car c'est la porte d'entrée à l'islam. أَمَّا مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالتَّوْحِيدِ وَلَا يَهْتَمُ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ الدَّعَوَاتِ أَوْ الْمَنَاهِجِ الدَّعَوِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِهَذَا الْأَصْلِ الْعَظِيمِ. Il dit ceux qui sont négligents à propos de l'unicité et de tawhid, ceux qui n'ont pas de souciance parmi les gens qui prêchent différentes fractions, différents groupes, différents slogans, notamment le mu'asira, c'est-à-dire les contemporains, ça c'est complètement en contradiction avec ce fondement primordial. C'est pas ce qui est voulu par les deux témoignages. Quelqu'un vient, il prononce les deux témoignages et continue sa vie comme il était avant. C'est pas ça qui est voulu. ولكن المقصود التلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. Ce qui est voulu, c'est prononcer ces deux témoignages avec la langue, comprendre l'essence avec le cœur et appliquer avec les membres. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل منه. Quelqu'un qui vient et qui témoigne les deux témoignages, on accepte de lui. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans son cœur pour savoir si c'est. فَإِنْ إِسْتَقَامَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ الْمُسْلِمِ. Si on voit qu'il évolue selon ces deux paroles-là et qu'il respecte ces deux paroles-là, ce que ça engendre, etc., c'est un musulman. وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُمَا يُنَاقِضُهُمَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًا. S'il apparaît de cette personne-là des choses qui font annuler ces deux témoignages-là, après que la personne ait pris connaissance, etc., elle apostasie de la religion. وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَعْتَقِدَ بِقَلْبِكَ وَأَنْ تَنْطِقَ بِلِسَانِكَ وَتُقِرَّ وَتَعْتَرِفْ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إِلَّا اللَّهُ. Qu'est-ce que ça veut dire témoignage que la ilaha illallah? Que tu as la ferme conviction dans ton cœur. Tu as la ferme conviction dans ton cœur. Et que tu prononces avec ta langue et que tu reconnais que ne mérite l'adoration qu'Allah seul. وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ. Et que tout adoré en dehors d'Allah, il est adoré à travers le tort. Et l'adoration qui lui est vouée, elle est fausse. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah dit dans le Coran, sourate 22, verset 62. Le sens, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله أن تعترف ظاهرا وباطنا بأنه رسول الله. Témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, ça veut dire quoi? C'est que tu reconnais ظاهرا وباطنا. ظاهرا, c'est dans ton apparence, ce que les gens ils voient de toi. باطنا, c'est dans ton intérieur. أما من ينطق, يعني tu reconnais que Mohammed c'est le messager d'Allah réellement. أما من ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه برسالته فهذا منافق. Il dit, par contre, celui qui prononce avec sa langue et ne reconnaît pas dans son intérieur que Mohammed est le messager d'Allah, celui-là est un hypocrite. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah dit dans le Coran, sourate 63, verset 1. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. » Prononce ça avec leur langue. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. « يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » Dans un autre verset, Allah dit, le sens, il prononce l'afwah. C'est quoi l'afwah? C'est le pluriel de quoi? Fouh. Al-fouh, wal-fih, wal-fah. « يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ » Ils disent avec leur langue, avec leur bouche, ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ça c'est les hypocrites. Sourate 3, verset 167. فَيَتَلَخَّصُوا مَعْنَ شَهَدَتِ يَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرْ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرْ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Donc, le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah se résume aux quatre choses suivantes. Obéir dans ce qu'il ordonne. Déclarer véridique dans ce qu'il informe. S'éloigner de ce à propos de quoi il a mis une restriction, il a posé une restriction, une interdiction. Et n'adorer Allah qu'à travers ce qu'il a légiféré. Ta'atuhu fima amar. Obéir dans ce qu'il a ordonné. Fa'idha amara al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam bi'amr, fa'innaka tamtathilu. Quand le messager il ordonne quelque chose, il faut le faire. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله dit dans le Coran, surat 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Ça c'est l'obéissance quand il ordonne quelque chose. La deuxième, c'est tasdiquhu fima akhbar. Quand il informe de quelque chose, il ne faut pas avoir un doute sur son caractère véridique. قال أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé de nombreuses choses du domaine de l'invisible, soit des choses qui sont passées, qui sont révolues, les nations précédentes, etc. ou bien même avant, et des choses à venir. مستقبلا فيصدق بما اخبر به صلى الله عليه وسلم. Quand il nous informe de quelque chose, il faut déclarer son information véridique. وهو لا ينطق عن الهوى. Le prophète صلى الله عليه وسلم ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. إن هو إلا وحي يوحى. Sourate 53 verset 3 et 4. فأخبره عليه السلام صدق ويقين. Les informations provenant du messager, elles sont véridiques et certaines. لا يتطرق إليها شك. شكون. Donc, deux dhamma, il y a une erreur encore là d'impression. لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire que ne peut pas s'introduire. Tatarruq ila shay, c'est ne peut pas s'introduire. On ne peut pas ne serait-ce que se poser la question, est-ce que le messager l'a dit ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit à la condition que sahat an, à la condition que c'est une information qui provient du messager. C'est une information qui est véridique, qui est réelle, qui est, les ulama al-hadith, etc. disent qu'elle est réelle, elle est authentique. Dans ce cas-là, il ne faudra pas avoir un doute. Contrairement aux informations qui sont démenties, mawdu'at et tout ça, akadhib. Ça c'est la deuxième. La troisième, واجتناب ما نهى عنه وزجر. Quand il interdit quelque chose, il impose une restriction, il faut s'en éloigner. اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه. وذلك لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. Il dit, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, sourate 59, verset 7. Le sens, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Quatrième et dernier point, il dit, وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. T'adore Allah qu'à travers ce qu'il a légiféré, ce que le messager a légiféré. مَا شَرَعَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Ce qu'Allah il a légiféré à travers le messager. وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc tout ça, cette quatrième caractéristique ou ce quatrième paramètre, tu fais sortir toutes les innovations, toutes les nouveautés, tous les contes, des contes C-O-N-T-E-S, le khurafat, que les gens, ils racontent justement, qui disent ça fait partie de la religion, que le messager il n'a pas ordonné, il n'a pas fait, il n'a pas accepté. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث 5 40 حديث عائشة في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui fait un acte qui est non conforme à nos enseignements il sera rejeté. Celui qui introduit dans notre religion celle-ci ou dans notre enseignement celui-ci ce qui n'en fait pas partie ce sera rejeté. حديث العرباط في السنن وإياكم ومحدثات الأمور. Attention aux nouveautés. قال عليكم بسنتي attachez-vous à ma sunna. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لسنة دو ميكاليف بيان جيدي أبخي موا تمسكوا بها تشيفوزي وعضوا عليها بالنواجد كمبونيفوزي أبلين دان ومغدزي أبلين دان وإياكم ومحدثات الأمور تنسيون نوفوتي فإن كل محدثة بدعة توت نوفوتي تنوفاسيون وكل بدعة ضلالة توت إنوفاسيون توت إنوفاسيون تيغارمون لاجو دو النسائي في خلاف في الصحة وكل ضلالة في النار. Toute adoration que le messager n'a pas légiférée, elle est, c'est pas une adoration qui est légitime. Il n'y a aucune récompense dans le fait de la faire. Contraire, il est pécheur celui qui la met en application, car c'est une innovation. Innovation, elle éloigne d'Allah, elle ne rapproche pas de lui. قال المؤلف رحمه الله وعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذا الركن الأول وهو المدخل ثم يأتي بعده الصلاة. Premier des piliers, c'est celui qu'on a vu là, les deux témoignages. Ensuite, il y a la prière. ثم يأتي بعده الزكاة. Ensuite, la زكاة. ثم صوم رمضان. Ensuite, le jeûne de رمضان. ثم حج بيت الله الحرام. Ensuite, le pèlerinage. ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة للشهادتين. Ensuite, tout le reste de la religion suivra. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله هو أن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. عود هذه. Quoi qu'Allah dise est comme il le dit. Il n'y a rien pour contredire ce qu'il dit. Il est comme il le dit. ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. كما بون شك أبدا. Il dit donc ce qu'Allah a dit c'est véridique et réel. Il n'y a pas de doute à introduire à ce sujet là. Jamais. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سورة 4 verset 87 et سورة 4 verset 122. Qui est plus véridique qu'Allah en information, qui est véridique, plus véridique qu'Allah en parole. أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire, c'est une question, c'est pas une question, on attend une réponse, c'est une question d'étonnement. D'accord. Qui est plus véridique qu'Allah en parole, qui est plus véridique qu'Allah en information. C'est-à-dire personne. وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه. Quand Allah il promet quelque chose, il tient sa promesse. Wa'ad Allah la yukhlifu Allah wa'ada, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Promesse d'Allah. Allah ne rate jamais sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 30 verset 6. Fa idha wa'ada fa innahu la yukhlifu wa'da. La yukhlifu wa'da. Quand il promet, il tient sa promesse. Wa idha tawa'ada faqad ya'fu subhanahu wa ta'ala. Par contre, quand il menace, il peut pardonner. Farqun bayna al-wa'd wa at-tawa'ud. Al-wa'd c'est la promesse. Tawa'ud c'est la menace. Il dit la promesse, quand il la promet, il la tient. La menace, quand il la menace, parfois il pardonne. Wal-wa'd al-wa'd la yatakhallaf abadan. Wa amma at-tawa'ud Allah jalla wa ala qad ya'fu wa yasmah wa qad la yuqi'u al-wa'id rahmatan minhu subhanahu. La promesse, il la tient, la menace, ça se peut qu'il pardonne et qu'il fait en sorte que la menace ne s'abat pas sur le menacé, fadla minhu subhanahu wa ta'ala, miséricorde de sa part et grâce de provenant de lui. Et il dit donc qawluhu wal iman bi shara'i'i kulliha. Il faut avoir foi dans tout ce qui compose la loi islamique. Yajib al iman bi shara'i' allati anzalaha Allah 'ala rusulihi kulliha. Donc il dit faut avoir fermement la croyance en tout ce qu'Allah a légiféré sur ses messagers. Il a légiféré à ses messagers. Ijmalan fil ijmal wa tafsilan fil tafsil. Il dit donc rester général. Là où Allah il est resté général et rester et être spécifique et ni détaillé. Là où Allah il a détaillé. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Le sens du verset 136, sourate numéro 2, dit, dites, nous croyons en Allah et ce qu'il nous a révélé en ce qu'il a, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa, à Isa, et ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbat. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Il ressemble énormément au premier verset. Sourate 3 verset 84 dit nous croyons en Allah et en ce qu'a fait descendre sur nous, ce qu'on a fait descendre sur Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, ce qui a été rapporté à Moussa, Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à lui que nous sommes, c'est à lui que nous sommes soumis. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها. Il dit donc on croit à toutes, croit fermement à toutes les législations qu'Allah a révélées. Comme dans le verset, ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, etc. à tous les prophètes. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يَشْرَعُ لِكُلِّ وَقْتٍ مَا يُنَاسِبُهُ. Et on croit fermement qu'Allah, il légifère pour chaque époque ce qui est en conformité avec l'état des gens. ثُمَّ يَنْسَخُ ذَلِكَ بِشَرِيعَةٍ أُخْرَى. Et ensuite, il yansakh, c'est-à-dire qu'il abroge. Il abroge. Il abroge l'ancienne législation à travers une nouvelle législation qu'il révèle. Tunasibu la yansakhu dhalika bi shari'atin ukhra tunasibu alladhina ja'u min ba'd. Quand yani l'ancienne législation n'est plus en conformité avec l'état des gens, il la change. Falamma bu'itha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ja'a bi shari'atin rasikha ila an taqum as-sa'a. Quand il a envoyé le dernier des prophètes et messagers Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné une législation qui est ferme et qui ne changera pas jusqu'à la levée de l'heure. La tunsakh, elle ne sera pas abrogée. Wa la tughayyaru abadan, elle ne sera pas changée. Salihatun li kulli zamanin wa makan, elle est bonne pour tout et tout lieu et tout endroit. Tout temps et tout lieu. Tout lieu et tout endroit, c'est énorme. Lieu, tout temps et tout lieu. Quelqu'un veut dire quelque chose ou demander Haja ou la rajouter quelque chose? 2,5, ça c'est sur le zahab ou le fidda. Amma sur les autres, tartalif. Sur les autres, ça dépend de le miqdar, ça dépend de la masse que tu dois sortir. Si par exemple j'ai de l'or et de l'argent, j'ai aussi des choses qui sortent de la terre et un commerce. C'est beaucoup de choses, hein. C'est riche. Non, chaque richesse, elle a un nisab bien précis. l'or et l'argent et naqd, c'est-à-dire l'argent que les gens utilisent aujourd'hui, ça fait 1. Si tu as des bahimat l'an'am, des animaux, ça fait 1. Si tu as des thimar, ça fait 1, etc. Voilà, dans chaque catégorie, il faudra voir si tu atteins le nisab. Si tu es en dessous du nisab dans l'or et l'argent, tu es en dessous du nisab dans le dans les animaux, tu es en dessous du nisab dans le hubub, dans ce qui sort de la terre, tu n'as pas de zakat à sortir. Si par exemple, tu es en dessous du nisab à la date où tu dois sortir la zakat, tu fais quoi? Donc tu vas rien sortir. T'attends à partir du moment où tu remontes au-dessus du nisab. C'est pas possible que tu sois en dessous du nisab à la date où tu dois sortir la zakat. Puisque quand tu descends en dessous du nisab, ta date elle disparaît. Tu reviens à zéro. Maintenant, quelqu'un il doit sortir le premier Muharram. Premier Muharram, et il arrive au premier Ramadan, il descend en dessous du nisab. Son nisab, il reviendra quand lui il reviendra au-dessus du nisab. Maintenant, le premier Ramadan, il est en dessous du nisab. Le 15 Shawwal, il est au-dessus du nisab. Sa nouvelle date, c'est 15 Shawwal. Si l'année prochaine, 15 Shawwal, il a toujours été au-dessus du nisab, il sortira la zakat. Même le premier Muharram, il est oublié. Il y a le premier Muharram, ça fait que 2 mois et demi qu'il a. Donc, la première fois qu'il remontera au-dessus du nisab, ce sera celle la date. Ouais. C'est quoi le taux du nisab? Taux du nisab, taqriban, parce qu'en euros ça change, c'est selon la valeur de l'or. Mais il n'y a pas très longtemps, là, c'était 1700, 1800 euros. 2700, au niveau de l'or. 2700 euros. Le lingot d'or, il a 34 000 euros. Il a. Ça date de quand, ça? Allez, Koulih, ça monte, ça descend, c'est selon la valeur de l'or. Selon la valeur de l'or, le nisab, il va augmenter ou il va descendre. C'est l'équivalent de. 2800 euros qu'ils ont dormi. 2800 euros que tu as gardé pendant un an lunaire minimum, c'est-à-dire au minimum 2800 euros, tu sortiras 2,5% de cette somme. Et à savoir, tu fais 2800 divisé par 100 fois 2,5 et cette somme-là pour que tu la sortes. Et c'est qui à qui tu dois donner dans l'Ayef Surat Tawba, les 8 catégories. Fuqara, al-Masakin, al-Amil al-Aliha, c'est cela les catégories des gens à qui il faut donner, à savoir les pauvres, les indigents, jusqu'à la fin du verset. 8 catégories. Là, Masajid, là. Le Bina, tout ça, faut pas. Hein? Fi sabilillah, la dernière catégorie. Wa fi sabilillah, wa ibn al-Sabil, les savants khtalafu fi sabilillah. Wa akthar al-ulama, ils disent que al-murad bi sabilillah hum al-ghuzat, les gens qui font la bataille. Les gens qui combattent fi sabilillah, le combat, le haqiqi, le jihad fi sabilillah. Amma, le fait d'étaler le jihad fi sabilillah ou hajj, il y a toute œuvre de bienfaisance, hada, c'est la parole d'une minorité. Il y a certains savants qui disent ça, mais c'est la parole d'une minorité. Ce n'est pas vraiment considéré. Wallahu a'lam. Parce que l'aya, innama min adawati al-hasr. Quand il y a innama, tu commences une phrase par innama, ça veut dire que ce qui va venir par la suite, c'est limité à ça. Allah il a dit innama as-sadaqat. Les sadaqat li al fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibn as-sabil. Il a cité 8 catégories, pas 9, pas 7, pas 11, pas autre chose. Les savants ils disent innama min adawat al-hasr. Ça va limiter cette chose-là à ces catégories-là. Tu peux pas la donner à autre que ces catégories-là. Wallahu a'lam. Ah, il le mot fait à le masajid. Hada chez. Moi je croyais qu'il l'apprenne. Les bina al masajid. Les pères ils font ça. Les pères pour bina al masajid. Les pères là ils se demandent amma yef'alun. C'est ça. Tijara. Par exemple, j'achète une voiture là. Je l'ai payé, je sais pas, 5000 euros. Je voulais la revendre. Pour après. Je l'ai gardée, j'ai pas réussi à la vendre. J'ai fait des frais dessus, je me revenais à 7000. Et je la vends à perte. L'avant 5000, j'ai perdu 2000 euros. Je dois sortir zakat là-dessus. Si tu as acheté la voiture pour la revendre, tu sors la zakat dessus. Mais j'ai perdu 2000 euros. Mais les savants ils disent, sur Saad Chetri, nombre de frères, moi parmi eux, j'ai demandé, comment tu calcules quand tu as une marchandise? Est-ce que tu calcules prix d'achat, prix de vente? Des fois, il y a un énorme fossé entre le prix d'achat et le prix de vente. Il a dit ni le prix d'achat ni le prix de vente. Il dit, tu regardes cette marchandise-là, combien elle vaut dans le marché? Fais sûr, tu vois, cette chose-là, combien elle vaut? Maintenant, là, tu as l'Argus, par exemple, tu vois, une voiture. Tu regardes combien elle vaut, la valeur médiane à peu près, et tu sors la zakat sur cette valeur-là. Il dit ni sur la valeur d'achat, ni sur la valeur de vente. Mais ça, c'est quand tu achètes pour revendre. Contrairement à si tu achètes l'itemlik, si toi, tu vas acheter une voiture pour toi. Même si elle vaut très cher, là, il n'y a pas de zakat dessus. La catégorie que toi tu demandes, elle rentre dans la quatrième catégorie. La quatrième catégorie, elle est très large. Urud et tijara, ce que tu achètes pour revendre. C'est-à-dire beaucoup, beaucoup de... Ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Des gens qui achètent... Ard, des gens qui achètent des terres pour revendre, des gens qui achètent, comme tu as dit, des voitures, des gens qui achètent de la marchandise. C'est combien de taux pour ça, pour cette catégorie, c'est combien de taux? Taux, c'est 2,5 sur la valeur de la chose. Hamd? Il faut qu'elle dépasse 2800 aussi. Il faut qu'elle soit au-dessus du nisab. La kenta, si tu as de l'argent et tu as une voiture que tu as achetée pour revendre et tu as de l'or et de l'argent, ça fait une seule catégorie. Tu vois? C'est-à-dire, si tu as de l'argent liquide et tu as aussi acheté une voiture ou deux voitures ou trois voitures pour la revente, ça fait une catégorie. Tu vois, tu fais la somme du total et tu la sors. Je vais demander à Cheikh Zayd ben Mohamed ben Hadi Matrali, quelqu'un qui a un petit peu de liquide et il a beaucoup de marchandises. Comment ça se passe pour la zakat? Il m'a dit, il calcule la marchandise, la valeur, il l'ajoute à ce qu'il a en liquide, il sort la zakat sur le total. À la date où la zakat elle arrive. Wallah. Si tu achètes pour toi, le hadith fait Sahih al-Bukhari. Laysa ala al-mu'min fi 'abdi wa la farasihi sadaqa. Quelqu'un qui est un esclave à l'époque, un esclave ou bien quelqu'un qui a un cheval, il n'a pas de sadaqa, à savoir de zakat, à sortir dessus obligatoire. Allah, si tu as acheté pour. Si tu veux faire le hila, il n'y a pas de hila avec Allah. Si tu as acheté pour revendre chez, si tu as acheté pour t'amlik chez. Il y en a là, chez. Je me suis posé cette question, pourquoi? Parce que des gens ils pourraient faire hila. Quand la zakat elle arrive, il achète beaucoup de marchandises, il n'a pas de liquide, il ne sort pas de zakat. C'est pas comme ça. Tu calcules ça à ça, tu as trop la zakat à l'alcool. Wallah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, on fera, si j'ai corrigé les feuilles là, de l'interro, il en manque juste deux. Il y en a un qui m'a rendu hier, il y en a un je l'ai imprimé avant. Si j'arrive à les corriger, Inch'Allah, ce soir. Demain, on fera inchallah la première partie de la correction des trois fondements. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.